yeux bleus, couleur de l'été, et puis de longs cheveux, comme un champ de blé. Quand il me regardait, il me souriait, je voyais défiler. Les jours.